Chapitre 18. Étrange aventure de Rouletabille dans un sleeping-car. Le lendemain, je fus averti par la candeur du départ de Rouletabille pour Marseille. Je compris qu'il continuait à marcher à fond contre la dangereuse amie de Parapapoulos. Il s'agissait, de toute évidence, de retrouver le barbier du coin de l'impasse La Roche, car Marius Poupardin devait en savoir long sur ce qui s'était passé cet après-midi-là dans la petite maison de Passy. Je dis à la candeur, qui s'était arrangé pour me rencontrer par hasard au palais, « Ils ne le laisseront pas arriver jusqu'à Poupardin. Je crains tout. J'apprendrai demain que Rouletabille est mort d'un accident, que je n'en serai pas surpris. » Comme en disant cela j'avais les yeux humides, la candeur, qui était lui-même fort inquiet, tenta de me rassurer. « Il n'a pas voulu que je l'accompagne là-bas. Ma sacrée taille, il prétend que c'est elle qui nous a vendus. » « Savez-vous bien que lorsque vous êtes venu hier rue de Charonne, il y avait 24 heures que ces messieurs étaient au courant ? Ils auraient pu l'arrêter s'ils avaient voulu, or ils ne l'ont pas fait. C'est ce qui me fait espérer que tout cela va s'arranger. »« Dieu vous entende, soupirai-je, mais c'est bien parce qu'ils ne l'ont point arrêté que vous me voyez dans de pareilles transes. » Pendant ce temps, les événements les plus curieux se déroulaient autour de Rouletabille. Son voyage en sleeping est une chose certainement unique en son genre, et j'en donnerai tout de suite le récit tel qu'il me le fit plus tard. Pendant sa période d'évasion, Rouletabille trouva une aide efficace chez tous ceux qu'il avait obligés. Parmi ceux-ci, il y avait un monsieur Telin, garçon fort distingué, entré sur le tard dans la carrière consulaire et que Rouletabille avait fait nommer consul à Barcelone. Ce monsieur Telin, de passage à Paris, devait rejoindre son poste le lendemain de la dernière visite que je fis à Rouletabille, dans les conditions que l'on sait. La place de monsieur Telin était retenue au wagon-lit. Il allait à Barcelone par le PLM et Portbou, changement de train à Avignon. Le soir à 8 heures, Rouletabille était à la gare de Lyon avec les papiers de monsieur Telin et tout ce qui pouvait faire croire qu'il était monsieur Telin lui-même, c'est-à-dire une jolie perruque aux boucles grisonnantes, une superbe moustache noire, un binocle en or, des talonnettes dans ses chaussures qui le grandissaient, un ample pardessus qui l'arrondissait et une casquette de voyage à carreaux. Cette fois, il croyait bien avoir dépisté la police. Il arriva 2 minutes exactement avant le départ du train, son sac de voyage à la main, se hâta vers son wagon. Comme il allait l'atteindre, il aperçut de dos une silhouette qui lui parut être celle de l'agent Tamar. Il se glissa dans son compartiment sans être aperçu du policier, puis, revenant dans le couloir du wagon, il jeta un coup d'œil sur le quai. Il vit l'homme de profil et ne reconnut plus Tamar. Décidément, l'idée de Tamar le poursuivait et cela n'avait rien que de très naturel. L'homme, du reste, ne prêtait aucune attention aux voyageurs, mais bavardait assidûment avec un grand escogriffe, dans le sens de l'origine du mot « hypogrupos », qui désigne quelque chose de crochu, aux jambes en arc, aux longs bras, au dos légèrement voûté, l'allure tourmentée, le tout couronné par une grosse tête rose, toute rase, des yeux très doux, calmes et pensifs, aux cheveux blonds filasses, coiffés d'une casquette à carreaux. J'ai dit que Rouletabille ne reconnut pas Tamar, mais il fut instantanément persuadé qu'il avait déjà rencontré le grand escogriffe quelque part. Le train partait. Rouletabille ferma la porte de son compartiment, heureux de constater qu'il n'aurait pas apparemment de compagnon et décidé à sortir de cette boîte le moins souvent possible. Malheureusement, la porte se rouvrit presque aussitôt et il vit entrer l'escogriffe, suivi de l'employé des wagons-lits qui lui portait son sac. Et maintenant, je laisse la parole à mon ami. À ce moment de ma lutte avec la police, a raconté Rouletabille, une chose me donnait quelque tranquillité. On aurait pu m'arrêter depuis la veille, pourquoi ne l'avait-on pas fait? Je pouvais répondre presque affirmativement que c'était qu'on me savait porteur de la lettre de Roland à Théodora Luigi, lettre cherchée vainement par Tamar à la Villa Fleury, trouvée ensuite par moi et si terriblement compromettante pour Théodora. Tant que j'aurai sur moi ce papier qui mêlait si tragiquement la célèbre courtisane, instrument de la haute police, au drame de la petite maison de Passy, j'étais assuré que l'on ne mettrait point la main sur moi. Je pouvais faire trop d'esclandre avec ce papier et retourner l'affaire d'une façon décisive. C'était mon meilleur sauf-conduit. Il fallait avoir le papier d'abord, on m'arrêterait ensuite. Je croyais bien qu'ils m'eussent plutôt fait tuer que de me prendre vivant avec ce document dans ma poche. Tout de même, comme je pensais qu'il n'en arriverait là qu'à la dernière extrémité, s'il s'y résolvait jamais, cela me laissait quelque liberté d'esprit, d'autant plus que, depuis la veille, je pensais avoir réussi à semer définitivement ces messieurs. Or, la vision de l'homme qui ressemblait à Tamar, suivie de l'entrée de son compagnon dans mon compartiment, me redonna à réfléchir. Tamar pouvait s'être déguisée, grimée, comme je l'étais moi-même. Enfin, ce singulier voyageur ne m'était point inconnu. Il salua, s'installa, me fixa tranquillement de ses yeux doux et me demanda la permission de relever la glace. Je reconnus aussi sa voix, que je n'avais certainement pas entendue depuis très longtemps. Il avait un léger accent belge. « Où donc ? Où donc ?» À ce moment, l'employé du wagon-restaurant passa en annonçant le premier service. Bien que je n'eusse point pris de ticket, je me levai aussitôt. J'avais besoin d'être quelques instants loin de cet homme pour mieux y penser. Je me glissai dans le corridor. J'étais dans un de ces soufflets qui relient entre les wagons, quand une légère secousse me rejeta sur l'un des voyageurs qui se rendait comme moi au restaurant. Je m'excusai en tournant légèrement la tête. C'était l'escogriffe. Arrivé sans autre incident à destination, j'attendis que mon suiveur fût installé pour m'asseoir à une autre table, mais toutes les places étaient retenues, à l'exception de celle qui se trouvait en face de lui. Décidément, je n'avais pas de chance. Non seulement j'étais condamné à dormir avec cet homme, mais encore, il me fallait dîner en face de lui. Quoi qu'il fît pour jouer de l'indifférence à mon égard, il m'était de plus en plus suspect. Je m'assis et déployai ma serviette. Et dans le moment, j'eus ce geste instinctif qu'ont les porteurs de grosses sommes qui tâtent du gras du bras leur poitrine pour s'assurer que le matelas y repose toujours. Or, j'eus la révélation nette que, déjà, je n'avais plus mon portefeuille. Le portefeuille dans lequel j'avais mis la lettre de Roland Boulanger à Théodora Luigi. À la minute même, un nom passa en lettres de feu dans ma mémoire. Léopold Drac. Et je revis la scène datant d'une dizaine d'années. Dans une petite pièce de la préfecture, où étaient réunis une trentaine d'agents et quelques hauts personnages de l'administration, amusé par une exceptionnelle conférence de ce Léopold Drac, un des plus habiles pickpockets qui ait jamais existé, ayant fait fortune en Amérique, retiré des affaires, dévoilant bénévolement tous ses trucs, faisant servir son expérience à la défense de la propriété après avoir mis celle-ci au pillage. C'était charmant et ahurissant, comme une séance de prestidigitation bien réussie par un maître élégant qui accomplit les tours les plus compliqués sans qu'on puisse soupçonner le moindre effort, avec le sourire. Seulement, Léopold Drac ne souriait pas. Il vous parlait. D'un ton monotone et traînant, il vous racontait n'importe quoi, vous posait les plus ordinaires questions qui vous surprenaient par leur banalité même, et vous aviez la poche vide avant que vous ne lui ayez répondu. Entre-temps, il ne vous avait pas quitté des yeux, fixant sur vous son doux regard tranquille, un peu stupide, et il vous avait offert une cigarette ou vous avait demandé du feu ou encore l'heure qu'il était. Averti par un ami de la sûreté, je m'étais glissé dans cette salle sans que personne ne me prêtât la moindre attention et j'en étais sorti sans que Drac eût eu l'occasion de m'apercevoir. Et c'était cet homme que l'on avait lancé sur moi. Sa besogne était déjà accomplie. Ça n'avait pas été long, j'étais perdu. Cependant, le ressort qui est toujours en moi dans les instants les plus critiques ne me fit point défaut. Rien ne put trahir ma consternation, je pourrais écrire mon désespoir. Je me mis à dîner de fort grand appétit et, mon Dieu, la conversation s'engagea le plus naturellement du monde. Nous nous trouvâmes d'accord sur les plus minces sujets et nous nous découvrîmes les mêmes goûts pour l'ancien opéra comique. Sans faire déjà une paire d'amis, nous nous supportions fort aisément. On s'était présenté. Il se disait représentant d'une grande maison de champagne et il voulut que je goûtasse à sa marque, que j'appréciais en connaisseur. Il régla même l'addition avant que je pusse m'interposer. Du reste, je n'insistais point, car je venais de m'apercevoir que je n'avais point suffisamment de monnaie dans mes poches et qu'il m'allait falloir chercher mon portefeuille, geste que je voulais éviter par-dessus tout. Comme sa générosité devait avoir été dictée pour beaucoup par une crainte de ce geste-là, au moins égale à la mienne, tout se passa donc pour le mieux du monde et il put croire que je continuais d'ignorer ma déconfiture. En sortant du restaurant, j'eus grand soin de le laisser marcher devant moi, mais il y eut à la porte une légère bousculade et je me trouvai un instant séparé de lui. Quelques secondes plus tard, j'étais à nouveau sur ses talons quand il pénétrait dans notre compartiment. Nous bavardâmes encore une demi-heure. Mon plan était simple. J'étais décidé, quand nous nous trouverions enfermés là-dedans pour la nuit, à lui mettre mon revolver sur la tempe et à exiger la restitution de mon portefeuille, mais il en alla tout autrement, comme vous allez le voir, et, ma foi, ce fut tant mieux, car un geste brutal qu'il avait dû prévoir aurait peut-être tout perdu. D'autant plus qu'il pouvait s'être débarrassé de mon portefeuille après s'être emparé de la lettre. J'en étais là de mes réflexions quand je sentis que mon portefeuille était revenu dans la poche de mon veston. Ainsi, il s'était débarrassé de mon portefeuille, mais dans ma poche. Je n'avais plus rien à dire. Mais la lettre, maintenant, où était-elle? Eh bien, elle devait être dans son portefeuille à lui. Je ne désespérais plus de rien, car enfin, j'avais maintenant un avantage sur mon pickpocket, c'est qu'il croyait que j'ignorais que j'avais été volé. Excellente situation pour le voler à mon tour. Je crois avoir joué là une des plus fines parties de ma vie, mais dans cette partie, le masque de parfaite et presque niaise sécurité que je posais si hermétiquement sur ma folle inquiétude ne fut pas une des choses les moins remarquables du jeu. Si bien, ma foi, que mon homme y fut pris. Il se coucha avant moi, car je ne voulais pas le laisser seul dans le corridor, et j'étais décidé à ne plus le quitter d'un pas. Quand je me déshabillai à mon tour, j'eus la satisfaction de constater qu'il n'avait point pendu son veston aux patères communes. Mon voleur était couché au-dessus de moi et je pus voir, d'un coup d'œil jeté sur la glace du lavabo, qu'il finissait de rouler son veston dans le filet pendu à portée de sa main dans ce que je puis appeler son alcôve. Décidément, il pouvait être plus fort que moi avec ses mains, mais au point de vue psychologique, il n'était pas très fort, l'escogriffe. 5 minutes plus tard, après avoir pris de mon côté toutes sortes de précautions, destinées à ne point passer inaperçues, pour garer mon portefeuille dans le filet qui m'était réservé au fond de ma couchette et faire croire que j'y attachais toujours la plus grande importance, je lui souhaitai une bonne nuit et me pris à ronfler consciencieusement. Il ne s'endormit vraiment qu'à ma con. Je mis tout le temps et tout le soin qu'il fallait pour m'en assurer. Mais je n'en eus vraiment la certitude que lorsque j'eus terminé ma délicate opération. Je remuai le moins possible, et cependant, je n'eus de ma vie pareille suée. Ah, la décomposition lente des mouvements est un travail de géant et le pire des martyrs. Enfin, j'avais eu le veston, le portefeuille, et j'étais rentré en possession de ma lettre à notre entrée en gare de Lyon. Il était temps, car les cris des employés, les mouvements de la gare réveillèrent mon homme. Il put constater que mon ronflement n'avait rien perdu de sa régularité. Au départ de Lyon, sans qu'il se fût apparemment aperçu de rien, il se retournait contre la cloison et se rendormait. Je m'étais juré, moi, de ne point dormir. Après l'expérience du portefeuille, vous pensez bien que je n'y avais point replacé la lettre. Cette lettre se trouvait enfermée dans une double feuille et le tout dans une enveloppe à peu près dénuée de gomme et que je n'avais du reste point close car lorsque je me trouvais seul, je ne manquais point de sortir ce document pour l'étudier plus à fond, ce qui me permettait chaque fois d'y découvrir quelque chose de nouveau. J'avais donc gardé l'enveloppe dans ma main. Ma main était passée sous mon oreiller car j'ai l'habitude de dormir sur le ventre, les bras recourbés sous mon oreiller, comme si j'allais le dévorer, et j'ai ainsi la sensation de dormir plus vite, d'en prendre le plus, dans le moins de temps possible. Mais, je le répète, je ne voulais pas dormir. Hélas, j'oubliais que je ne connaissais pas un lit depuis 3 jours. Depuis 3 jours, je n'avais pas mangé d'oreiller, j'avais faim. Inconsciemment, j'en goûtais un peu, puis beaucoup, c'était bon, c'était doux. Hannibal à Capoue. Je m'endormis sur ma victoire. Quand je me réveillai, les premiers rayons du jour glissaient entre les rideaux tirés des fenêtres et un homme en chemise de nuit était debout près de mon lit. En une seconde, je fus tout à la situation. Je m'en voulus de ma faiblesse, mais une légère crispation de ma main sur l'enveloppe que je n'avais pas lâchée me rassura. J'avais dû faire quelques mouvements en me réveillant, car l'homme en chemise de nuit disparut rapidement dans le lavabo en emportant son sac et, du reste, en faisant le moins de bruit possible. Je tâtai encore mon enveloppe. J'étais tout à fait réveillé. Il me sembla qu'il y avait quelque chose de nouveau dans l'enveloppe, en ce sens qu'il y avait quelque chose de moins dedans. Je tente d'y glisser mon doigt. À cause de la chaleur de ma main, sans doute, l'enveloppe s'était collée. J'arrache. Il y avait bien la double feuille dedans, mais la lettre n'y était plus. Décidément, mon escogriffe n'était pas si simple qu'il en avait l'air, ou si dénué de sens psychologique que je l'avais cru. Il avait dû s'apercevoir, à Lyon, en se réveillant et dès son premier coup d'œil sur son filet, que l'on avait touché à ses affaires et qu'il m'avait bien mis dedans en se retournant contre sa cloison et en feignant à son tour le sommeil pendant que je m'endormais pour de bon à mon tour. Matin, on était dignes de lutter l'un contre l'autre. J'avais gagné la première manche, il avait remporté la seconde. À qui la belle ? Mais la partie devenait terriblement difficile pour moi, maintenant que je savais qu'il savait que je savais qu'il avait la lettre. Et je n'avais pas beaucoup de temps devant moi pour la lui reprendre, si tant est que la chose fût encore possible. Je feignis bien de ne point m'être réveillé, et je ne simulai le réveil que lorsqu'il réapparut, sortant du petit lavabo avec son sac. Je m'arrangeai pour qu'il ne perdît aucun de mes mouvements, ce qui était moins difficile que de les lui dissimuler, et pour qu'il m'aperçût du coin de l'œil, rangeant hâtivement l'enveloppe que je venais de tirer sous l'oreiller, comme si je continuais d'être persuadé que je possédais un trésor. Toutefois, je doutais qu'il fût pris à une aussi mince comédie. En ce qui me concernait, toutes mes facultés étaient en éveil pour deviner ce que l'autre avait pu faire de la lettre. J'avais dû me réveiller dans le moment qu'il me reglissait l'enveloppe dans ma main. J'imaginais que sa brusque disparition avait témoigné de sa surprise et il ne faisait point de doute qu'il était entré dans le lavabo avec le précieux document en main. Sans quoi, quand j'avais remué pour la première fois, il n'eût point marqué cet émoi. Il était donc rentré dans le lavabo en chemise de nuit avec la lettre et avec son sac ouvert. Il en ressortit avec son sac fermé. Il y avait toute chance pour que la lettre fût dans le sac. Il se hâtait de s'habiller pour me laisser la place libre. Pendant ce temps, nous échangeions ces propos du matin qui sont de rigueur entre gens qui ont passé la nuit dans la même cabine. Nous nous félicitâmes l'un l'autre du repos que nous avions goûté. Il était, comme moi, le mouvement du train le berçait et il ne dormait jamais si bien qu'en voyage. Enfin, il fut prêt et après avoir fermé son sac à clé, il sortit. Je me jetai hors de ma couchette et fis jouer le verrou de la cabine. J'étais seul, sans surprise possible. Je me ruai sur le sac. Aucune de mes clés ne l'ouvrait, mais j'avais un petit outil avec lequel je forçais les serrures, sans que je me demandasse une seconde ce qu'il adviendrait par la suite de cette effraction. Je vidai son sac, je le mis au pillage, je le tâtai sur toutes les coutures. Pas de poche secrète et pas de lettre. Il avait donc gardé la lettre sur lui, en tout cas, il l'avait emportée avec lui. Je remis en vrac toutes les affaires de ce damné drague dans son damné sac et jetai ce dernier dans le coin du filet où j'étais allé le chercher, puis je m'habillai en 5 minutes. Après quoi, en face de la glace, je composai mon visage, lui commandai le sourire et l'indifférence et je rentrai dans le corridor, croyant y trouver mon homme. Mais point de drague dans le corridor. Je glissai comme une flèche jusqu'au wagon-restaurant. Drac y prenait tranquillement son café au lait. Cette fois, je ne le fuyais point et je fus fort heureux de constater qu'une place était libre en face de lui. Je m'y assis, il me sourit, je lui souris. Nous avions l'air aussi contents l'un que l'autre, l'un de l'autre. Je savais qu'il savait, il savait aussi que je savais qu'il savait. Quelle situation que celle de ces deux individus qui, depuis la veille au soir, ne cessaient de se voler mutuellement, sans que rien, dans leur façon d'être ni dans leurs paroles, ne dénonçât leur intime pensée, la joie de la victoire ou le désagrément de la défaite, ni l'espoir frénétique de la revanche. J'avais commandé 2 œufs sur le plat. Ils beurraient ses toasts. On approchait d'Avignon. J'avais peut-être encore 20 minutes devant moi. « Vous avez chaud ?» me demanda-t-il. Oui, j'avais chaud. De grosses gouttes de sueur me perlaient aux tempes. Je jetai ma casquette dans le filet au-dessus de nous, à côté de sa casquette à lui. « On chauffe trop dans ces wagons de luxe, » fis-je. « Cela dépend des tempéraments, » répliqua-t-il. « Moi, je n'ai jamais trop chaud. Si vous permettez... » Là-dessus, il prit sa casquette et s'en coiffa solidement. J'étais renseigné. La lettre était dans sa casquette. Le coup d'œil qu'il lui avait lancé lorsque j'avais jeté la mienne dans le filet, le soin qu'il prenait de se recoiffer aussitôt mon arrivée et la solidité même avec laquelle l'opération avait été faite, tout le dénonçait. Pour quelqu'un dont les sens étaient exaspérés comme les miens, il n'avait même pas été difficile de percevoir dans un dixième de seconde le sentiment évident de satisfaction dans la sécurité qu'avait exprimée cette tête dès qu'elle avait été coiffée de cette casquette. Rien ne m'avait échappé, pas même le léger effort qui attestait l'étroitesse, sans doute récente, de la coiffe. Enfin, une minute plus tard, je lus comme dans un livre cette phrase visible pour moi seul dans ses deux beaux grands yeux dont la placidité apparente semblait me narguer. « Elle est là, la lettre. Viens donc la chercher. » Tout à coup, j'y allai. Ce fut rapide comme la foudre. Je venais de payer mon déjeuner et il réglait le sien. Déjà, le train ralentissait et l'on allait entrer en gare d'Avignon. Je me levai. Il était encore assis. Je pris ma casquette dans le filet. Elle était à carreaux comme la sienne, et avec un peu de bonne volonté, on eût pu prendre l'une pour l'autre. Et tout à coup, jetant la mienne sur la table, je m'emparai d'un geste brusque de celle qu'il avait sur la tête. Il poussa un cri, se dressa, hagard. Moi, je souriais en déclarant tranquillement « Je vous demande pardon, vous vous êtes trompé de casquette, monsieur. »« Jamais de la vie !» s'écria-t-il, et il se jeta sur moi. Mais j'avais prévu le mouvement et je m'étais assez reculé pour avoir mis la précieuse casquette hors de sa portée. Des voyageurs s'étaient levés, nous entouraient, intervenaient, s'amusaient de cet intermède incompréhensible et grotesque, de la fureur éclatante de ce voyageur. Les yeux naguère placides lançaient des flammes et la douce face rose était devenue comme un énorme boulet rouge, prêt à porter l'incendie pour une casquette. Moi, j'étais de plus en plus calme, séparé du dangereux escogriffe par deux voyageurs, et je prononçais, en ouvrant la coiffe de la casquette, « Cette casquette est si bien à moi que, comme elle était trop large, je l'ai garnie avec une lettre que voici. Si monsieur désire que je lui dise quels sont les termes de cette lettre, je les répéterai, et tout le monde pourra constater lequel de nous s'est trompé. » Ces derniers mots eurent le don de calmer Drac instantanément. Ils furent comme un bain glacé pour le boulet rouge qui n'éclata point. L'homme regarda ma casquette sur la table, la prit et convint en bougonnant qu'il s'était trompé, que c'était bien la sienne. Il y eut des rires. Le train stoppait en gare d'Avignon. Je sautai sur le quai, mon trésor sur la tête. Quelques secondes plus tard, j'étais hors de la gare, ayant abandonné mon bagage, et pendant que Drac me cherchait dans le train de Portbou, j'avais sauté dans une auto qui, à prix d'or et à 90 à l'heure, me conduisait à Marseille. Mais vrai, j'avais eu chaud.